On va parler du Canadien avec notre ami Stéphane Labeau. Salut Steph. Salut Danny. Stéphane, évidemment, le Canadien, c'est incroyable ce qui se passe là. Écoute, je suis renversé. Tu sais, on disait tout le temps que moi j'étais sûr que je parlais avec Marc Fortier la semaine passée, puis je disais, l'avantage numérique du Canadien, c'est ça qui va les couler. Il y a beaucoup de problèmes en avantage numérique. On s'en va gagner contre la Floride, contre Boston. Et samedi également, une victoire contre l'Avalanche du Colorado. C'est sûr que l'Avalanche allait pas bien, mais quand même. Et écoute, mine de rien, c'est sûr que les Leafs ont 3 matchs en main sur le Canadien. Mais qui aurait cru ça que le Canadien était seulement à 1 point de Toronto? C'est sûr que les Leafs ont 3 matchs en main, comme j'ai dit, mais c'est vraiment épatant. Effectivement, Danny, je pense que c'est tout à fait extraordinaire ce que le Canadien nous offre comme saison. Mis à part, Danny, peut-être les plus grands partisans du Canadien, les inconditionnels, seulement eux auraient pu prévoir une telle saison de hockey, les plus grands optimistes du tricolore. Je fais encore partie un petit peu des sceptiques, mais là, ils sont en train de me convaincre que ça fait depuis le début de la saison que je répète, est-ce que le Canadien va être en mesure de continuer à garder cette cadence-là? Non seulement qu'ils ont du succès sur la patinoire, mais l'énergie qu'ils se dégagent match après match, c'est phénoménal. On voit vraiment une équipe soudée. Puis moi, ce qui m'étonne, ce que j'aime voir, Danny, c'est que lorsque le Canadien connaît une mauvaise partie, plus souvent qu'autrement, va revenir en force pour un match ou pour une petite séquence. Donc, on évite les longues léthargies, on évite de devenir négatif. Et le positif est plus souvent présent que le négatif dans le vestiaire du Canadien. Et ça contribue beaucoup là, à l'ambiance et au succès du Canadien. Hier, ce matin, j'écoutais 91.9, puis on parlait que Claude Julien pourrait être candidat au Adams, ou Jack Adams. Sais-tu que c'est loin d'être fou? Je pense qu'il reste encore beaucoup de temps, mais à ce stade-ci de l'année, évidemment, là, un bon entraîneur, c'est un entraîneur qui est capable de soutirer le maximum de son équipe et de ses joueurs. Donc, si à partir du moment où on pensait que le Canadien, c'était certain qu'il était pour finir dans le fin fond du classement de la Ligue nationale, manquer les séries très tôt en saison régulière, eh bien là, c'est le contraire qui se passe. Canadiens, je ne pense pas qu'ils vont gagner la Coupe Stanley, mais la saison qu'il connaît fait en sorte que, oui, Claude Julien, qui l'année passée nous avait laissé aussi sur notre appétit, mais il a su possiblement s'ajuster à la nouvelle réalité, à son nouveau vestiaire. Est-ce que le fait qu'on aille échanger des joueurs qui bousillaient peut-être justement l'atmosphère de cette vestiaire-là empêchait Claude Julien d'établir sa vraie philosophie? Mais de toute évidence, lui et son personnel d'entraîneur jusqu'à présent, je pense, maximisent ce qu'ils ont sous la main et rendent cette équipe-là une équipe très, très dynamique et qui peut à tous les soirs donner là, battre et compétitionner contre n'importe quelle équipe dans la Ligue nationale. Et ça, c'est vraiment leur responsabilité. Ouais. Et leur honneur. Ouais. Écoute, je regarde ça, là, puis à part Tampa Bay, le Canadien est aussi bon que n'importe quelle autre équipe. Quand je regarde ça. Bien, un soir donné, oui. Ouais. Dans l'Est, oui, un soir donné, si on regarde présentement, là, comme tu l'as mentionné, on est tout près de Toronto, de Boston, c'est ça. On est dans une période où présentement, le Canadien joue de l'excellent hockey et les autres semblent se chercher un petit peu. Encore une fois, c'est. La saison de la Ligue nationale, c'est un marathon. Ouais. On est rendu à demi-marathon. Est-ce que le Canadien va poursuivre? Mais c'est la même question se pose pour toutes les autres équipes aussi. Là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des équipes qui vont se réveiller? Est-ce qu'il y a des équipes qui vont continuer à s'enlisser vers le fond du classement? Mais somme toute, moi, présentement, j'aime ce que je vois du Canadien depuis le début de la saison, encore plus récemment, parce que je vois que maintenant, là, Carey Price redevient un petit peu la Carey Price. Et qu'a dit Denis Amy qui est tout simplement époustouflant hier encore, là, il s'en dit qu'il a volé le match. Il a vraiment été spectaculaire. Carey Price, on n'a rien à dire depuis un mois et demi. Là. T'sais, autant que j'étais un de ceux qui disait qu'il était surévalué, que c'était un gardien de but qui, depuis le début de décembre, il est d'un des 10 meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale actuelle. Mais depuis le mois de décembre, là, Oui, je suis d'accord avec toi. Puis le but, oui, on aimerait bien ça que Carey Price soit toujours le numéro un. Yeah. Mais à défaut d'être numéro un, là, au salaire qu'on le paye, il se doit de performer. Et actuellement, depuis le dernier mois et demi, Carey Price joue comme Carey Price doit jouer, c'est-à-dire un joueur dominant, un joueur qui donne une chance à son équipe de gagner à tous les soirs et un gardien de but qui donne confiance à ses joueurs en avant. Et c'est ce qu'il fait présentement. Et lorsqu'on lui donne une soirée de congé, ben heureusement que Niemi est capable de continuer le travail. Donc, présentement, on a deux excellents gardiens de but chez le Canadien qui font le travail et on peut pas espérer beaucoup mieux à cet égard-là. T'en penses quoi d'Jesperi Kotkaniemi? On va dire en affaire, il a un lancer incroyable, là, ce gars-là, mais qui a appris à se faire plus confiance, à lancer plus. J'ai l'impression, tu sais, il va être excellent. Là, ça va être un marqueur de moins 25-30 buts dans l'instant, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Ben, 25-30 buts, ça reste à voir, mais je suis très, très encouragé de ce que je vois. C'est un jeune qui est encore à l'école au niveau maturité physique. Il a encore beaucoup de place à amélioration. On l'a vu hier, la patience qu'il a eue sur son but, c'est tout simplement digne d'un bon joueur de hockey intelligent. Il est menaçant, il est responsable. Et là, ce que j'aime aussi, c'est qu'il est en train d'adhérer à une culture d'éthique, une culture de jouer en équipe, et non pas une culture individuelle qu'on a trop souvent vu dans le passé chez le Canadien. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup. On va l'éduquer de la bonne façon pour qu'à son tour, un jour, devienne un leader de cette équipe-là. Il est sympathique à voir et à entendre. Il me surprend sur ses prouesses sur la glace. Donc, encore une fois, là, je me garde toujours un petit bémol lorsque ça fait même pas une saison qu'un joueur évolue dans la Ligue nationale. Mais tout semble croire là, que s'il continue à se développer et à progresser de cette façon-là, je pense qu'on va avoir du beau hockey de sa part là, pour les plusieurs prochaines années. Stéphane, hier, Greg Button a sorti. Greg Button, qui est un spécialiste de TSN, qui est un spécialiste du repêchage, a sorti les 50 meilleurs prospects. Le Canadien en a 3. Et Kotkaniemi, on pourrait l'inclure là-dedans, mais il n'est pas là-dedans, là, mais, puisqu'il est dans l'alignement du Canadien. Moi. Mais il y a 18 ans, c'est encore un prospect selon moi. Tu as 4 prospects dans les 50 premiers. À pareille date, l'année passée, il y avait juste Spelling. Hey, ça a changé pas à peu près là, en l'espace d'un an. Là. Oui, et c'est ce que c'est ce qui ça devait d'arriver. Ouais. Et c'est de bonne augure. Et là, on peut juste s'imaginer, on peut regarder ça de deux côtés, essayer d'imaginer si on avait été aussi efficace lors des repêchages précédents. Là, on parle des jeunes. Bon, le jeune Suzuki a été acquis via la transaction de Pacioretty. Mais tout ça pour dire que lorsqu'on a une pas pire moyenne au bâton au niveau du repêchage, ben on peut changer rapidement la situation ou la phase d'une équipe. Et c'est ce qui avait manqué pendant tout près d'une décennie chez le Canadien. Faut croire que les derniers repêchages ont été plus fructueux. À ce temps maintenant, ces joueurs-là, comment ils vont se développer dans la Ligue nationale. Mais encore une fois, présentement, tout est positif chez le Canadien. Et le développement des jeunes prospects, ils ne sont pas rendus encore à Laval. Ils sont encore plus jeunes que ça. Ouais. Du côté de Laval, c'est plutôt mince. Donc, on espère que ces gars-là, ils vont pas se tromper et qu'on va réussir à les faire graduer un petit peu à la Kotkaniemi et l'en faire des joueurs, pas seulement des joueurs qui vont endosser le chandail, mais des joueurs qui vont offrir une forme de dominance au sein de l'équipe. Il y a Caden Fleury, le défenseur, à part ça, il n'y a pas grand-chose, je te dirais, à Laval, là, comme prospect. Tu as Jake Evans qui n'est pas mauvais, Vegemo qui pourrait être un quatrième, mais là, tu sais, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment encourageant. Steph, la relève ne viendra pas nécessairement de Laval pour les prochaines années, mais va possiblement venir du niveau junior ou collège américain. Ouais. Steph, on s'en reparle bientôt. Ça me fait plaisir, Danny. À bientôt. Collaborateur Stéphane Le...